Yeah, alles drü, alles drü. Aha, aha, yeah. Slushy, slushy, ouais. Ok, ok, slushy. Se lâcher pour faire n'importe quoi. Quoi? Se lâcher pour faire bien sûr comme toi. Toi, toi, mais j'y t'en gâcher. Par contre, pas comme toi. Non, non, toi. Mais comme d'habitude, je vois tout en noir. Noir, mais noir. Tu sais, comme d'habitude, je continuerai à boire. Boire, mais tu le sais en plus que je ne suis que moi. Que moi. Un mec qui danse texte. Croix du noir, croix noir. Du noir. Et un jour, tu sauras que la fin n'est pas terminée entre, toi, et moi. Mais dis-moi, dis-moi. Dis-moi pourquoi, pourquoi. Dis-moi que c'est comme ça. Dis-moi, dis-moi, dis-moi que tu t'en vas. Mais dis-moi que c'est comme ça. Mais dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi pourquoi.